Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confiné. Bienvenue dans une nouvelle mécanique du confinement. C'est comme la mécanique des ondes, née à la maison. Et en cette période compliquée, hein, bon, je vous le rappelle, hein, bien sûr, restez chez vous, c'est important. Et puis aussi, on sait que l'enfermement, bah, ça peut jeter un coup sur le moral. Contre ça, on a bien besoin de rire et de chansons. Bah justement, c'est un de ces animateurs qui était déjà venu dans l'émission que l'on va retrouver en mode radio-travail, Christophe Marceau. Bonjour. Hello Eddy, comment ça va ? Très bien, ici tout va bien. Ouais. Ah oui, on est confiné. Confiné. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, exactement. Et alors, je retourne la question, Christophe, toi de ton côté, comment ça va ? Eh ben, ça va, ça se passe bien. Je pensais que ce serait beaucoup plus long, hein, ce confinement. Finalement, ça fait déjà 3 semaines. Et ça passe relativement vite, je trouve. Et je commence à y prendre goût. Je commence à bien aimer, en fait. Donc, je m'adapte. Et si on peut faire 6 mois comme ça, moi, je trouve ça bien, en fait. Pourtant, j'ai entendu dire que le studio manquait un peu, non ? Ouais, alors le, ouais, bah oui, parce qu'on a éteint les lumières à rire. On a tout éteint et puis ça tourne. Alors pas 24 heures sur 24 en automatique. Hein, il y a quand même du live. Mais oui, j'ai éteint moi le premier jour du confinement. J'ai arrêté le morning à 10 heures et puis j'ai tout éteint dans le studio. Ça fait bizarre. Ouais. Donc c'est vrai que on fait de la radio à la maison, confiné. On n'a pas le choix et en même temps, eh ben c'est différent. C'est pas plus mal. C'est marrant à faire. Et voilà. Mais on va prendre encore plus de plaisir quand on va revenir vraiment dans les studios. Ça va. Oui, ça manque un petit peu forcément. Oui. Bien sûr. Alors justement, le confinement, ça a été annoncé le 16 mars. Oui. Ce jour-là, est-ce que tu savais que tu allais te retrouver à la maison avec ton micro, ton matériel ? Oui, on savait parce que ça faisait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on savait que la situation allait forcément se compliquer. On avait déjà l'exemple de la Chine. Donc on savait qu'il fallait se préparer, alors soit à continuer à faire les émissions à la radio, en live, mais alors avec quelles précautions, comment le groupe allait s'organiser, ou bien qu'on allait prendre la solution de faire de nos émissions de la maison, ce qui était la solution peut-être la plus sage au départ, en tout cas, vu qu'on savait pas vers quoi on allait et quelle allait être l'importance et quel dégât allait faire ce virus. Donc, mais oui, ça faisait 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois que le groupe Energy se préparait à ça. Ouais. Et du coup, la grille, en tout cas pour Rire et Chanson, la grille a subi pas trop de chamboulement, je pense, une réorganisation peut-être ? Non, elle n'a pas subi de chamboulement. Au départ, Bruno Robles avec son équipe, ils se sont arrêtés. Ça a été les premiers à arrêter parce que ils étaient trop dans le studio, confinés. Il n'y avait pas, tout au début, le matériel pour leur permettre de continuer à faire ça en live de chez eux. On n'avait pas non plus de réa pour la matinale. Et puis notre directeur, Laurent Thibault, voulait vraiment au départ que 100% de l'équipe de Rire, on est 30-35 personnes, soit vraiment à la maison et ne prennent pas de risques. Donc voilà, il a préféré préserver 100% du personnel. Donc au départ, eh bien, on a commencé justement en mettant la radio en automatique et que chacun rentre chez soi. Et voilà. Et là, Bruno Robles est revenu maintenant. Ils sont live tous les matins entre 6h et 10h. Et puis une partie des émissions, voilà, sont faites à la maison. Et puis une autre partie, un peu en studio et voilà, un peu comme toutes les radios du groupe Energy. Sachant que au sein du groupe, il y a plusieurs animateurs, je sais, qui font du déplacement depuis la province pour venir jusqu'à Paris. Oui, quelques-uns, ouais. Alors, ton émission à la maison, comment ça s'est mis en place du coup ? Eh ben, très simplement parce que... T'as amené du matériel... Très simplement, alors certains d'entre nous sont déjà équipés. Moi, j'avais acheté il y a quelques mois une Rodecaster de la marque Rode. Je sais pas si on peut citer la marque, mais voilà. C'est une petite console, alors je sais pas si ça parle à quelques-uns, mais c'est une petite console qui, quand je l'ai découverte, m'a bluffé avec différents pads pour mettre des jingles, avec une fonction record, avec un traitement de son intégré, avec un insert téléphonique, intégré et voilà, et là je m'en sers justement en ce moment là pour qu'on puisse se parler et voilà. Donc moi j'avais ce genre d'outil chez moi, d'autres animateurs avaient le même genre d'outil, voire le même outil, on a recensé un peu dans l'équipe ceux qui avaient du matériel et qui pouvaient continuer à faire de la radio de chez eux, et puis le reste de l'équipe qui n'était pas équipée à la maison a été équipée par le groupe Energy. Donc finalement on s'est porté volontaire pour continuer nos émissions de la maison avec notre matériel. Et ça fonctionne plutôt bien, en fait. Et du coup, donc depuis chez toi, tu as Coluche, Les Inconnus, Bigard qui passent souvent. J'ai tout. j'ai toute la collection de Rire et Chanson chez moi là. Donc là, je suis équipé. Je te dis, ça peut durer 6 mois. Je suis équipé pour les 6 prochains mois là, tu vois. Après, c'est une idée hein, qu'on peut lancer pour la suite. Hein. Ouais. Alors non, il faut pas que ce soit. Non, faut pas lancer trop ce genre d'idée parce qu'après, on va rester tous à la maison et puis on n'ira plus faire des émissions en studio. Non, non, c'est non. Faut garder le studio après pour qu'on se retrouve tous et tout. La radio, c'est quand même mieux dans un vrai studio de radio et puis avec une équipe autour et voilà qu'on se voit tous, qu'il y ait une harmonie, une alchimie, voilà qu'on se voit tous et puis qu'on puisse un peu déconner parce que la radio c'est du travail mais c'est aussi de la déconne. Alors justement faire de la radio à la maison, comment tu le sens, qu'est ton ressenti là-dessus? Alors qu'est-ce que tu as de positif et de négatif? Le positif, c'est que quand tu fais le morning, t'es pas obligé de te lever à 4h30 du matin pour commencer à 6h. Tu peux te lever à 6h-10, voire 6h-5. Après, t'arrives au salon, t'allumes la Rodecaster et puis c'est parti. Sinon, c'est sympa de faire de la radio à la maison parce qu'on a notre petit confort, tout ça, c'est rigolo. Je pensais que ce serait plus compliqué de se mettre dans l'ambiance de la radio et puis finalement non, parce que dès qu'on est derrière un micro et puis derrière une console, ben voilà, c'est on fait de la radio comme quand on est en studio. Donc les avantages et les inconvénients, non, alors, je reçois des messages, désolé sur mon messenger, mais non, des avantages, c'est rigolo à faire comme ça, mais faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus, et des inconvénients, non, j'en vois pas, si, peut-être après pour certains, l'environnement, pour faire mes émissions, voilà, moi j'ai une pièce qui est un petit peu renfermée et tout, donc ça permet d'avoir une acoustique qui est pas trop mal, mais d'autres ont eu un petit peu plus de soucis, et on entend, quand on écoute certaines radios, on entend qu'il y a des fois un petit peu de résonance derrière certains animateurs, voilà, ça dépend de l'environnement, mais sinon, non, c'est rigolo en fait. On t'est pas perturbé par la famille qui passe derrière toi, non, pendant que tu es à l'antenne? Non, je m'isole complètement. Tu n'as pas ce problème-là? Non, je m'isole complètement, ils savent que voilà, là, il faut pas venir me déranger, mais de temps en temps, j'ai fait parler 2-3 fois mon fils à l'antenne, en fait, on fait partager tout, c'est un peu l'intérêt, on est tous dans la même galère, on est tous dans ce même confinement, certains le respectent mieux que d'autres, hein, on le voit, mais finalement, on vit le même quotidien que tout le monde. On est tous à la maison, tous dans cette même galère. Donc, on partage un petit peu à l'antenne notre quotidien qui est le même que finalement tous les Français en fait. Donc, c'est ça qui est rigolo là, pour le coup. Et du coup, est-ce que tu gardes contact avec les autres animateurs, même pour faire les... Oui. Je sais qu'à Rire et Chanson, vous avez des relais d'antenne entre vous, des squattages sur des speaks des uns des autres aussi. Est-ce que vous arrivez à le faire toujours à distance? Alors c'est plus compliqué de se faire des passages d'antenne, forcément. Mais on arrive de temps en temps à en faire. Et puis sinon, quand j'ai remplacé Bruno sur la matinale, j'ai pris le parti d'appeler quelques-uns de mes camarades de la radio et de les passer à l'antenne, justement pour prendre un peu des nouvelles et puis savoir comment se passait leur confinement. Et on a fait après la même chose avec les humoristes qu'on diffuse tous les jours, qui nous ont laissé des messages pour nous dire voilà comment se passait leur confinement aussi de leur côté. Et puis soutenir tous nos auditeurs. Ouais, il y a toujours cet esprit comme à la maison. Là, on y est littéralement, que vous maintenez à l'antenne. Oui, alors là, pour le coup, on essaye de rester au plus proche de ce qu'on fait toute l'année à l'antenne. Et puis, on est à la maison, c'est un peu à la bonne franquette, c'est une radio un petit peu plus... C'est ça qui la rend vraiment sympa, cette radio qu'on fait en ce moment, c'est que c'est une radio qui est peut-être un petit peu plus naturelle, qui est peut-être un petit peu plus proche des gens, finalement. C'est pas mal. Donc oui, après, les outils, ils nous permettent, comme je le disais, avec le matériel qu'on a chacun chez soi, ça nous permet de communiquer les uns et les autres, et puis de passer dans l'émission d'un tel, etc., etc. Donc, et on va faire, on va refaire, là pour le moment, Didier Rénal, avec qui on se suit chaque jour en général sur l'antenne, on fait toujours en studio un passage d'antenne à 13h. Là en ce moment il fait la fin d'après-midi, puis moi je suis revenu sur le 10h-13h, donc on se suit pas, mais on va refaire des passages d'antenne là, même si on n'est pas ensemble dans le même studio, on va en refaire là à partir de la semaine prochaine. Ouais, ça doit être amusant à écouter, je pense. Mais oui, mais il n'y a pas de limite en fait. Tant qu'on a un micro et puis voilà, un insert téléphonique comme là, alors ce sera pas ce sera via insert téléphonique, on s'en fout, l'important c'est de se parler, c'est de rigoler ensemble en fait. Ouais, et c'est là qu'on voit un peu tout le possible qu'on peut faire avec la radio, avec le son. Mais exactement, c'est ça qui est génial. En 2020, on a tellement d'outils, on a tellement accès à plein de choses que rien n'est devenu impossible en fait. On peut tout faire et on le voit même à la télévision. Hein. Regarde toutes les émissions qu'on Cyril Hanouna, pour ne citer que lui, mais a continué de faire son émission de chez lui avec finalement la visioconférence, Zoom ou autre. La télé comme la radio, ça les rend peut-être un petit peu plus accessibles, peut-être plus simples et finalement peut-être plus fun aussi. On va sortir un petit peu de rire, parce que quand tu étais venu dans la mécanique des ondes, tu nous avais aussi, tu nous as parlé de ton parcours depuis Europe 2, depuis Metz et j'en passe. Enfin bon, j'invite les auditeurs à réécouter cette émission-là. Ouais. Donc, il y avait aussi ton projet Deep House, Deep Inside. Alors, du coup, est-ce que avec le confinement, c'est pas trop impacté? Est-ce que ça continue? C'est suspendu? Comment ça se passe? Eh bien, c'est pas du tout impacté parce que Deep Inside a toujours été un produit développé sur via Internet. Donc, on est chacun chez nous, on est chacun confiné, mais finalement, ça nous empêche pas de continuer à bosser. Les DJ qu'on invite régulièrement, les guest mix qu'on fait régulièrement, finalement, on n'a pas plus de mal à les avoir. Au contraire, les DJ sont même beaucoup plus disponibles puisque un peu partout dans le monde, ils ne jouent plus en club, ils ne font plus de tournée, ils sont chez eux, donc. Beaucoup font de la prod et mixent, alors soit sur Facebook ou autre, donc finalement ça leur laisse du temps aussi pour mixer pour nous. Donc chacun bosse de chez soi, et puis la seule chose que ça a un petit peu compliqué, c'est que là cette année on fête les 15 ans de Deep Inside en 2020, et on avait prévu de faire plusieurs dates en club, notamment une grosse soirée à Paris qui devait se situer là dans cette période là avril-mai, mais donc là pour le coup cette soirée est reporté, enfin même les autres, mais ça n'empêche. Pour le moment, on peut rien faire puisque tous les lieux, les clubs sont fermés. Mais on a des projets et avant qu'on soit sorti de confinement, je pense qu'on va pouvoir faire des choses en club, peut-être, mais vide. Voilà, et retransmis sur les réseaux sociaux et voilà, on va voir. Il y a des choses à faire, bien sûr. À suivre donc. En attendant, du coup, donc l'émission hebdomadaire est maintenue, donc c'est ce que je regarde. Bien sûr, oui. Donc ça, et puis plus, comme tu le disais, les DJ qui sont donc plus disponibles chez eux, du coup, ça fait plus de contenu, je pense, pour Deep Inside en ce moment. Alors après, on n'a pas pris le parti de proposer plus de choses que d'habitude, parce que... un petit peu tout le monde là se met à mixer et envoie des il y a beaucoup de live, en fait. Quand tu vas sur Facebook en fin de journée, t'as énormément de live dans le monde entier. Nous, on n'a pas pris le parti d'en faire plus que d'habitude, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a déjà plein de choses à voir et à écouter. Ceux qui nous connaissent savent où trouver notre musique, et puis je trouve que finalement ce confinement, ça permet de découvrir d'autres DJ qui sont habituellement un petit peu plus dans l'ombre, et bien là voilà, ça les met un petit peu plus dans la lumière. Donc je ne vais pas dire qu'on laisse la place à ces gens-là, mais nous, on ne fait pas de live tous les jours, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et par contre, je vois que c'est plus des archives de Deep Inside qui sont partagées régulièrement là, en ce moment. Alors oui, on s'est dit, il y a le confinement, là on va purger 30 jours, 45 jours, 60 jours de confinement, donc c'est peut-être l'occasion de ressortir quelques-uns des meilleurs podcasts de Deep Inside, parce que c'est vrai qu'un podcast qui est sorti il y a 6-7 ans, on l'a oublié, et donc on ressort quelques podcasts un petit peu tous les jours pour refaire découvrir ce qu'on a fait auparavant, des soirées, des différents podcasts en fait, émissions ou autres. Et invité. Et puis surtout, on a le temps maintenant d'écouter. Mais c'est ça, on a le temps. Donc, nous, on propose un podcast, une archive, un peu par jour, et puis après, ça amène à écouter d'autres choses, puisque finalement, un podcast, derrière, on passe à un autre, et puis encore un autre, on change de DJ, donc, c'est une proposition, à suivre ou pas. Donc, proposition, et puis, s'il y en a qui veulent jeter une oreille, même en bossant, en musique de fond, c'est très agréable, j'ai testé et approuvé, donc. C'est parfait. Ouais. C'est sur deepinside.co.uk, donc .co.uk. Donc d'ailleurs, c'est une adresse britannique. Tiens, je t'ai pas posé la question la dernière fois. Pourquoi une adresse britannique? Alors, il y a le .fr aussi qui existe. Mais sinon, oui. Ah, je l'ai pas vu. Oui, il y a deepinside.fr qui existe. Non, alors, adresse britannique, oui, .co.uk. Parce que la house music, quand on a créé Deep Inside en 2005, la house music, c'est une musique qui est très américaine, très anglaise. Et on trouvait que deepinside.fr, c'était pas terrible. Ça sonnait pas bien, c'était bof, et on s'est fait un délire, on s'est dit tiens, on va le déposer le nom en Angleterre, et puis ça fait .co.uk. Sur le logo, on trouvait que c'était joli. Voilà, c'est parti de rien, en fait. C'est vraiment parti de rien. Ouais, puis, et puis on l'a gardé, en fait. On dira que ça apporte une petite touche internationale. Oui, c'est ça. Et alors finalement, oui, On nous croit finalement souvent anglais et voilà. Non, c'est un projet qui est au départ franco-britannique et puis maintenant qui est 100% français. Ouais. Mais on a gardé finalement le .co.uk qui se marie bien avec le logo qui est joli. Donc deepinside.co.uk ou deepinside.fr donc qui existe et que je n'ai pas vu. Oui, c'est la même chose. Alors pour terminer, Christophe, à part la radio, comment tu t'occupes le reste du temps à la maison? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs si jamais ils veulent tuer l'ennui? Alors, les journées, elles sont très simples. Le matin, je me lève maintenant vers 9h30. Je déjeune avec mon fils. Ensuite, lui fait un petit peu de sport. Ouais, je la regarde. Je me lance pas maintenant là-dedans. Non, vers 11h, je commence à préparer l'émission. Ensuite, on attend les programmations qui arrivent après manger en général vers 14h, les prog de la radio. Et puis, on se met tout de suite à bosser sur l'émission. Alors, pour ceux qui enregistrent, on enregistre dans l'après-midi. Pour ceux qui sont live, ils font leur émission en live dans la journée. Et puis, voilà, sorti de là, il doit être 17-18h. La journée passe super vite. En fait, j'avais prévu de faire plein de choses, un peu de bricolage, un peu de comme monsieur tout le monde, en fait, comme tout le monde. Et puis, non, j'ai pas trouvé encore le temps d'en faire. Donc, puis après, le soir, on se mate quelques séries. Je pense que j'ai un peu épuré tout ce qu'il y avait sur Netflix, là, en revanche. Mais bon, voilà. Non, les journées passent vite. Alors, justement, est-ce que tu as des coups de cœur à recommander en série, dans ce que tu as regardé? Alors, Casa de Papel, forcément, hein, la saison 4. Qu'est-ce que j'ai regardé? Non, j'ai. Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a regardé sur Netflix? J'ai regardé Tchernobyl aussi sur OCS, qui est très bien. On a fait Les 100, on a regardé Les 100 aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On a commencé The Crown sur l'histoire de la reine Elisabeth. Voilà, on écoute un petit peu de tout, tu vois. Et puis on écoute pas mal la radio aussi. Puis je regarde pas mal de live aussi le soir sur Facebook. Je regarde pas mal en ce moment Joachim Garraud qui notamment tous les soirs fait de la production en live avec les gens qui regardent son live Facebook. C'est assez intéressant. Et c'est là qu'on voit la magie des réseaux sociaux. Heureusement qu'ils sont là pour ça. Bah oui, parce que le confinement il y a 30 ans sans tout ça, ça aurait peut-être été autre chose. Ouais. Ouais. C'est là-dessus qu'on va refermer cette mécanique confinée. Christophe Marceau, merci d'être passé, d'avoir donné tes nouvelles. Et donc, on te retrouve donc sur Rire et Chanson. Alors, c'est quelle heure? 10h-13h? Toujours? 10h-13h, ouais. J'ai repris ma tranche normale. Eh bien, le rendez-vous est pris. On te retrouve donc pour passer une fin de matinée avec toi, avec Coluche, Les Inconnus, Bigard et tous les autres. Avec tout le monde. Bon confinement alors. Il faut prendre soin de soi et ne pas sortir. On arrête de sortir avec les gamins, avec les trottinettes. Ouais, c'est hyper important. Exactement. Restons chez nous. Exactement. On veut rester toute l'année dans le cul dans le canapé. Ben là, maintenant, faut y rester. On peut. On peut et le patron dit rien en plus. Donc, c'est bon.